franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, nous vous proposons de réécouter l'histoire d'un mystère dramatique, la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, sorti brutalement des écrans radars et des contacts radio alors qu'il volait au-dessus du golfe de Thaïlande. Une histoire dont les plaies sont loin d'être cicatrisées, d'abord parce que le drame est récent, il y a 2 ans, en mars 2014, et surtout parce que l'avion a disparu sans laisser de piste et provoquant cette question lancinante: comment un objet aussi gros, de plus de 60 mètres de long, peut-il disparaître de cette façon. Telle est l'histoire du vol MH370 de la compagnie nationale malaisienne qui a décollé dans la nuit du 8 au 9 mars 2014 de Kuala Lumpur pour un vol qui devait durer 6 heures et 20 minutes. Or, ce Boeing 777, l'un des avions, sinon l'avion plus sûr qui soit, ne posera jamais ses roues sur l'aéroport de Pékin, sa destination. C'est une demi-heure après son décollage, alors qu'il quitte l'espace aérien malaisien pour s'enfoncer dans la nuit noire au-dessus du golfe de Thaïlande, que l'avion va disparaître et ne plus jamais donné signe de vie. Avec lui, ce sont 12 membres d'équipage et 227 passagers qui disparaissent, parmi eux 4 Français. Cette affaire du vol MH370 est unique en son genre, car pour la première fois, dans une catastrophe aérienne, il n'y a ni avion, ni boîte noire, ni survivant pour apporter de quelconque explication. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle, face à la loi du silence de plusieurs pays et à l'opacité de l'enquête menée par les autorités malaisiennes, que le malaise est si immense. Incident technique, défaillance humaine dans le cockpit, détournement, missiles. Dans ce désert d'éléments matériels, et à cause de ce désert, on ne peut rien écarter et on ne peut rien savoir. Alors, que s'est-il passé en cette nuit du 8 au 9 mars au-dessus de l'océan Indien, à plus de 10 000 mètres d'altitude? Notre invitée aujourd'hui, la journaliste Florence de Changy. En poste à Hong Kong, pour plusieurs journaux, elle a mené l'enquête et en a publié un livre intitulé « Le vol MH370 n'a pas disparu », avec comme sous-titre « La plus grande énigme de l'histoire de l'aviation civile ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production, Elisa Mar et Lucille Valéry. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Lègle, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvallet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En cette nuit du samedi 8 mars 2014, il est minuit 40, heure de Kuala Lumpur. Sur la piste de décollage, le Boeing 777 du vol Malaysia Airlines 370 attend. Destination, Pékin. Temps de parcours prévu, 6h20. À bord, 227 passagers, en grande majorité des touristes chinois, mais aussi quelques Américains, des Européens et autres nationalités. On compte 12 membres d'équipage. Aux commandes de l'appareil, Zahari Binamat Shah, un pilote expérimenté de 54 ans. Pour ce vol, il est assisté de Farik Binab Hamid, son copilote, plus jeune, il a seulement 27 ans. Après l'autorisation de la tour de contrôle, le commandant pousse la manette de gaz, l'appareil accélère, rotation comme disent les pilotes, il décolle. Alors que l'appareil grimpe pour atteindre son altitude de croisière à 35 000 pieds, soit un peu plus de 10 km d'altitude, tout va bien dans le cockpit, la routine. Pendant la demi-heure qui suit son décollage, l'avion respecte à la lettre son plan de vol. Il fait route plein nord en direction des côtes du Vietnam qu'il est censé longer pour rejoindre Pékin. À 1h19, le pilote envoie son dernier message au contrôleur malaisien. Il leur souhaite bonne nuit. Dans les instants qui suivent, l'appareil sort du contrôle radar. Là encore, rien de plus normal. Quelques minutes plus tard, à 1h22, le transpondeur qui sert à localiser et identifier l'avion est subitement débranché, tout comme l'autre système, l'ADS-B, qui, lui, précise son positionnement par satellite. Selon les données des contrôleurs aériens, l'avion aurait subitement viré de bord pour faire chemin inverse et retourner sur la Malaisie. En inclinant le manche, le pilote aurait emmené l'avion à 45 000 pieds, ce qui a fait dire par la suite qu'il y avait eu un incident technique à bord ou une tentative de détournement. Toujours est-il qu'à ce moment-là, personne ne sait ce qui se passe dans le cockpit, mais on a compris que quelque chose ne tourne pas rond. Peu après, le troisième système, l'ACARS, qui envoie les données techniques du vol à Boeing, n'émet plus. désormais sans transpondeur ni système ADS-B, sans un CARS, l'appareil n'est plus détectable. Au Vietnam, on tente de contacter l'appareil, aucune réponse. Les autorités vietnamiennes demandent alors à l'avion commercial présumé le plus proche d'entrer en contact avec le vol MH370. Son pilote tente d'échanger avec la radio, il n'entendra pour seule réponse que des marmonnements sur fond de parasites. À 1h38, le contrôle aérien vietnamien appelle alors Kuala Lumpur pour l'informer de la perte de contact. Et là, le centre des opérations de Malaysia Airlines répond que des échanges de données sont toujours possibles avec l'appareil et que celui-ci serait au-dessus de l'espace aérien cambodgien, 300 km à l'est de sa trajectoire initiale. Dès lors, les éléments troublants, pour ne pas dire contradictoires, vont s'enchaîner. À 2h22, un radar militaire malais localise l'appareil dans la mer d'Adaman, à 370 km au nord-ouest de la Malaisie. Il ferait route plein ouest. Autre élément étonnant, alors que tous les contacts, radio, transpondeur, ACARS et ADS-B sont coupés avec l'avion, les log on request, ces signaux qu'envoie le motoriste Rolls-Royce à l'appareil, continuent d'être reçus pendant plusieurs heures. L'appareil ne répond pas mais accuse réception des messages envoyés par le motoriste qui assure cette procédure normale avec tous les appareils équipés de ses moteurs dans le monde entier. Au centre de crise de Malaysia Airlines, les informations deviennent de plus en plus contradictoires, jusqu'à admettre que la localisation supposée de l'avion plein nord au-dessus du Cambodge répond à des projections, des calculs, oui, mais pas à la réalité. 5h30, le centre de coordination du secours aérien à Kuala Lumpur est activé. Une heure plus tard, alors qu'il aurait dû se poser à Pékin, l'avion est déclaré disparu, l'annonce est faite aux familles. À 7h13, enfin, on informe la presse. S'affiche alors en rouge sur le tableau des arrivées de l'aéroport de Pékin le message clignotant « Flight from Kuala Lumpur, arrival time 6 AM 30, status delayed », puis dans les instants qui suivent « cancelled », supprimé dans le langage aéronautique, peut-être même disparu. Les médias annoncent la suite. Une ligne rouge et une case noire. Le vol MH370 n'est jamais arrivé à Pékin. Parti de Malaisie, l'appareil a disparu des radars 2 heures après son décollage. Les familles patientent, dans l'angoisse. Je n'ai aucune information. Au début, ils ont juste dit qu'il était retardé. Et là, on me donne un document qui me demande d'attendre. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, comme celui-ci, avait décollé hier de Kuala Lumpur, direction Pékin. Il reste pour l'instant introuvable. Les recherches se concentrent sur cette zone du golfe de Thaïlande, mobilisant les marines vietnamiennes et malaisiennes. Il s'agit d'une zone à la frontière entre l'espace malaisien et le contrôle vietnamien. Les familles ont été rassemblées dans un hôtel à Pékin. 239 personnes se trouvaient à bord, parmi lesquelles 154 Chinois et 4 Français. Insupportable attente. Dans le grand hall de l'aéroport de Pékin, les familles et proches des victimes sont sous le choc. Peu d'informations filtrent depuis le centre de crise de Malaysia Airlines. On sait juste que l'avion est déclaré disparu, faute d'apparaître sur les radars et de ne répondre à aucune fréquence. Personne ne sait encore ni pourquoi, ni comment. Évidemment, quand un avion a décollé et qu'il est affiché cancelled sur l'aéroport d'arrivée, c'est mauvais signe, en tout cas épouvantablement anxiogène pour les familles et les proches qui attendent. Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer? Laissez-la. Pourtant, élément très surprenant et qui ne sera rendu public que bien plus tard, l'appareil déclaré disparu depuis près d'une heure reçoit encore à ce moment-là les fameux signaux log on request venant du motoriste pour avoir des informations sur les moteurs via satellite. Le vol MH ne répond pas mais confirme par un dernier signal de faible intensité enregistré à 8h19 et 37 secondes avoir reçu le message. Dans les heures qui suivent, les autorités vietnamiennes et malaisiennes lancent une première opération de recherche dans la mer du golfe de Thaïlande. À Kuala Lumpur, par la voix de son premier ministre, la Malaisie se refuse pour l'instant à tout commentaire, mais précise que les communications ont été perdues lorsque l'avion est passé dans l'espace aérien vietnamien. Pendant ce temps, sur zone, plusieurs navires militaires croisent et recherchent d'éventuels débris. Tandis que dans le ciel, les avions de reconnaissance vietnamiens qui quadrillent le secteur identifient, eux, un élément suspect. des traînées de carburant parallèles sur plusieurs centaines de mètres, des taches qui pourraient provenir de l'avion disparu. Le soir, l'envoyé spécial de France 2, Baptiste Favelos, fait le point sur les recherches. D'énormes, d'impressionnants moyens de recherche ont été déployés dans cette mer de Chine du Sud par la plupart des pays limitrophes. Il fait nuit maintenant en Asie et donc les recherches aériennes, elles, ont été interrompues. En revanche, des navires philippins, malaisiens, vietnamiens et même chinois continuent de patrouiller dans la zone pour tenter de repérer d'éventuels débris. Mais le problème, c'est où patrouiller, puisqu'on sait où l'avion a disparu, mais on ne sait pas où il s'est abîmé, s'il s'est abîmé. Et donc du coup, c'est forcément l'incompréhension ici à Pékin. Je me trouve juste devant l'hôtel Lido, dans lequel sont regroupées les familles des victimes, des Chinois en grande majorité, puisqu'il y avait 154 Chinois à bord de cet appareil. Et forcément, il y a des scènes d'angoisse, des scènes d'attente. La plupart des yeux sont rivés sur les écrans de télévision qui diffusent les journaux de la télévision chinoise et qui apportent finalement les seules informations. Alors, il y avait 14 nationalités au total, dont des Français, vous l'avez dit. 4 Français, 3 membres d'une même famille, une femme de 52 ans, son fils de 17 ans, sa fille de 14 ans, ainsi qu'une autre personne qui accompagnait la famille. Il s'agit d'une jeune fille de 18 ans qui avait la double nationalité française et chinoise. Ils étaient tous scolarisés au lycée français de Pékin. La maman elle-même était la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et forcément c'est le choc au lycée français. Une assistance psychologique a été mise en place lors de la rentrée des classes qui aura lieu lundi ici à Pékin. À bord de l'appareil, parmi les 239 victimes probables, figurent en effet les 4 Français, dont la femme et les 2 enfants de Guilin Vatrelot, dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing to your eyes, and you sang, said to me, let me unfold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Waiting to hold. Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines en mars dernier. Le lendemain de la disparition, certains médias révèlent que l'appareil a probablement changé de cap pour se dérouter plein sud. Les autorités malaisiennes, qui dans cette histoire ne vont cesser de se contredire, soufflant ainsi le chaud et le froid sur l'enquête, démentent fermement. Selon certaines sources, l'avion aurait même pu voler plusieurs heures encore avant de s'écraser. Alors que le flou s'épaissit, le général Rozali Daoud, chef de l'armée de l'air malaisienne, confirme enfin que le périmètre de recherche est agrandi. Nous avons regardé les informations enregistrées par le radar et nous nous sommes rendus compte qu'il existe une possibilité réelle que l'avion ait fait demi-tour. Faire demi-tour signifie dévier du chemin de vol et revenir en arrière. Donc, pour cette raison, la zone de recherche a été élargie au moment où je vous parle à la mer de Chine méridionale. Et nous avons déjà demandé à nos amis indonésiens de nous assister dans cette tâche. Les recherches s'orientent vers l'océan Indien, la mer d'Andaman, mer de Chine méridionale. Elle mobilise d'importants moyens matériels et humains. Il faut dire que la zone à couvrir est énorme, près de 90 000 km², la superficie d'un pays comme le Portugal. Jeanne Assouli, reporter pour France 3, commente cet énorme dispositif déployé dans le golfe de Thaïlande. Une véritable armada à la recherche du Boeing disparu. 40 navires, 22 avions et hélicoptères de toute la région sont à la recherche du vol MH370 sur une zone désormais élargie. En fin d'après-midi, l'aviation vietnamienne aurait repéré des débris au large de l'île de Toshu, où hier des traces d'hydrocarbures avaient été repérées. Le mystère plane toujours sur l'origine de la disparition de l'avion. A-t-il décroché pour s'abîmer en mer ? A-t-il explosé en vol ? Autant de questions pour les enquêteurs qui évoquent une possible désintégration en plein vol. Au fur et à mesure, la zone de recherche s'agrandit, se déplace, un peu comme si l'on recherchait une aiguille dans une botte de foin. À ceci près que l'aiguille mesure 63 mètres. Alors, on le retrouvera, forcément. C'est ce que tout le monde pense à ce moment-là. Dès lors, la presse fait l'écho de plusieurs hypothèses qui amènent de nouvelles questions. D'abord, quand un avion disparaît, par réflexe, on explore la piste terroriste. Et dès le lendemain de la disparition de l'avion, les autorités malaisiennes ouvrent une enquête pour actes terroristes, précisément. Car il se trouve que deux passagers munis de faux passeports, l'un italien et l'autre autrichien, auraient embarqué en Thaïlande, puis à bord de l'appareil à Kuala Lumpur. L'italien, dont le passeport a été volé, témoigne d'ailleurs face aux caméras. Il n'était pas à bord. J'ai demandé à mes amis pourquoi ils s'inquiétaient autant pour moi. On m'a dit, regarde sur Internet. Il parle d'un Italien disparu. J'ai dit, c'est impossible, je suis en Thaïlande. Les États-Unis envoient sur place des agents du FBI. Après enquête, la piste terroriste vacille. Interpol révèle en effet que les deux individus présents à bord de l'appareil étaient des clandestins iraniens et qu'ils ne sont pas fichés ni chez eux ni dans les fichiers de la CIA. En tout cas, pas comme des individus recherchés ou dangereux. Rien d'autre ne sera rendu public sur cet aspect de l'affaire, si ce n'est que beaucoup commencent à s'interroger. Comment dans un grand aéroport international, des passagers ont-ils pu embarquer à bord d'un avion avec des passeports déclarés volés ? Les autorités malaisiennes ont-elles failli à leur devoir de contrôle et de sécurité ? Ou bien, cache-t-on délibérément la vérité sur l'identité de ces deux personnes ? Quelques jours plus tard, des experts de Boeing se rendent sur zone. Et on apprend après analyse que les nappes de carburant découvertes par l'avion vietnamien correspondent en fait à celles d'un pétrolier qui a dégazé pour ventiler ses cuves. Dans le même temps, Chinois et Américains mobilisent plusieurs satellites afin de passer la zone au peigne fin. Le mercredi 12 mars, 4 jours après la disparition, Pékin annonce avoir identifié des débris qui pourraient appartenir à l'avion disparu. Théorie démentie par la marine vietnamienne qui se rend sur place quelques heures plus tard, elle aussi. Alors que les recherches sont de nouveau au point mort, élément nouveau. Des enquêteurs américains déclarent dans le Wall Street Journal que l'avion aurait pu voler encore 4 heures et pourrait se trouver bien au-delà de la zone de recherche qui était déterminée. À Kuala Lumpur, comme on le fait depuis le début, on dément. Près d'une semaine vient de se dérouler depuis la disparition de l'avion, il n'y a toujours aucune piste probante. Du côté des familles, la colère s'ajoute à l'angoisse. Beaucoup sentent qu'on veut leur cacher la vérité. Mais quelle vérité ? Le 17 mars, la police malaisienne mène une perquisition au domicile de deux pilotes. Chez le commandant, on découvre un simulateur de vol sur lequel, avec un Boeing 777, il se serait entraîné à atterrir sur des pistes très courtes. Dans la presse européenne et américaine pointe alors la piste d'un détournement islamiste car les pilotes étaient musulmans. Pour les proches du commandant, toute cette histoire ne tient pas à la route. Je l'ai vu il y a moins d'une semaine avant le décollage. Je l'ai vu rapidement, mais il m'a semblé comme d'habitude. C'est un homme jovial, qui aime les gens. Faire quoi que ce soit qui pourrait faire du mal à plus de 200 personnes, et leur famille, non, ça ne lui ressemble pas. Même perquisition menée chez son copilote, bon, rien de spécial. Il a bien quelques fautes de conduite à son dossier, mais rien de plus. Non, ces deux-là n'ont pas un profil de terroriste, encore moins de pilote kamikaze. Autre élément troublant, celui-là. Des familles et des proches des disparus signalent aux autorités chinoises qu'ils ont vu la tonalité lorsqu'ils appellent sur des téléphones. Ils l'ont entendu, cette tonalité. Ils ont appelé sur des téléphones de passagers de l'avion. Certains téléphones sont encore connectés sur les réseaux sociaux plusieurs heures après la disparition de l'appareil. Cet épisode a alimenté beaucoup de spéculations, notamment celle selon laquelle l'appareil se serait posé quelque part. Il n'en reste pas moins que, d'un point de vue technique, il est possible qu'un téléphone sonne toujours bien qu'il soit éteint. Une histoire de couverture de réseau un peu compliquée, pas forcément déterminante, mais qui a nourri la machine à fantasmes. En tout cas, l'épisode des téléphones portables qui continue de sonner a mis le feu aux poudres en Chine, où plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester devant l'ambassade de Malaisie à Pékin. Devant les journalistes, ils réclament la fin des mensonges. Ils nous cachent tellement de choses. Et même s'il n'y a pas de preuve que l'avion se soit crashé, eux, ils nous disent que les recherches sont terminées et que personne n'a survécu. Il n'y a aucune preuve. Moi, je demande à voir ce qu'ils ont. Ils n'ont même pas de données, ni même fait d'analyse pour affirmer qu'il s'est crashé. Enfin, il y a la question de la cargaison de l'appareil. Les bordereaux sont à moitié remplis. Et il semble qu'on ait chargé plusieurs caisses de piles au lithium dans les soutes du 777 avant son envol de Kuala Lumpur. Ces mêmes piles au lithium que l'on retrouve dans nos téléphones ou tablettes peuvent se révéler hautement instables si elles sont mal transportées. Exemple probant, celui de l'incendie d'un avion d'UPS en 2010 à Dubaï. Il avait provoqué la mort de l'équipage et la destruction de l'appareil. Une vraie question, celle de la cargaison. Nous y reviendrons. Près d'une dizaine de jours après la disparition du MH370, la société britannique Inmarsat, à l'aide du dernier signal de log on request reçu par l'appareil et d'une série de calculs algorithmiques, annonce que le Boeing aurait pu suivre une trajectoire en arc de cercle qui l'aurait amené soit plein nord, sur le continent asiatique, là où il y a des radars au sol, et on aurait pu ou dû le repérer, soit plein sud, en plein océan Indien, à proximité des côtes australiennes, là où justement il n'y a pas de radar. Choisissant la seconde option, la communauté internationale va déployer d'importants moyens sur zone. Un satellite français ira même jusqu'à annoncer avoir retrouvé d'étranges débris. Cette piste, aussi coûteuse que chronophage, se révélera vite être une impasse et amènera vite une nouvelle polémique. A-t-on voulu, avec la piste australienne, égarer un peu plus l'enquête ? Depuis le 9 mars, date de la disparition officielle du vol MH370 d'un Malaysia Airlines, aucun élément de l'enquête n'a officiellement débouché sur quelque chose de probant. Pour les familles des victimes, toutes les pistes n'ont cessé de s'écarter de la vérité. Mais quelle vérité, là encore ? Pour tenter de faire avancer les choses, une plainte a été déposée en France et une aux États-Unis pour que la justice soit saisie et que de nouveaux moyens soient mis à disposition pour faire la lumière sur cet événement. Car pour la première fois dans l'histoire du transport aérien, 9 mois après une catastrophe aérienne, l'appareil n'est toujours pas retrouvé. Ce qui pour les proches des victimes est forcément une double peine. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Florence de Changy. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes d'abord journaliste dans la région du monde Asie-Pacifique depuis 1991. Vous avez vécu et travaillé en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie, à Taïwan et à Hong Kong. Et vous êtes maintenant basé à Hong Kong. Et vous travaillez à la fois pour Le Monde, Radio France, RFI. Et vous venez de publier ce livre aux éditions Les Arènes. Le vol MH370 n'a pas disparu. Tel est le titre du livre, et moi j'aime bien aussi les sous-titres, et le bandeau qui dit « La plus grande énigme de l'histoire de l'aviation civile ». C'est la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation civile ? C'est ce qu'on en dit en tout cas. Ouais. Justement, moi en disant « Le vol MH370 n'a pas disparu », j'aimerais bien que cette histoire ne soit pas une énigme. Je considère que ça ne peut pas. Rester une énigme ni un mystère. Et je considère que nous faire croire qu'il a disparu, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Et donc c'est pour ça que j'essaye de partir du précepte inverse. Il n'a pas disparu, il lui est arrivé quelque chose de technique, de politique, et on va trouver les raisons. C'est ma démarche. Alors, tant qu'on ne sait pas, on va voir les thèses les unes après les autres. Alors, il y a eu cette polémique autour du pilote dont la presse a parlé, elle a beaucoup spéculé, se basant sur des informations un peu alambiqué, il faut le dire, selon lesquels ce pilote aurait pu commettre un détournement ou un attentat aux commandes de l'appareil. Apparemment, ça ne tient pas, ça. Alors moi, j'ai regardé de près, effectivement, la piste du pilote, parce que, premièrement, j'ai constaté en regardant d'autres crashs aériens que, quand c'est possible, les enquêteurs aiment accuser le pilote. Pourquoi? C'est la solution de facilité. Ah oui. Si c'est le pilote, c'est pas la compagnie aérienne. C'est pas l'avion, ça voilà. Met pas en cause les enjeux exactement. Fondamentaux. Et puis le pilote, dans ces cas-là, il est mort. Donc il n'y a pas grand monde pour le défendre, sauf sa famille qui, en général, n'est pas forcément en état de le faire. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et à ma grande surprise, j'ai constaté aussi qu'un certain nombre de cas que la mémoire collective a classé suicide de pilotes ne le sont pas. Mais dans un premier temps, parfois pendant les 5 ou 10 premières années, c'est comme ça. Par exemple, Egyptair ou Silk Air. Bon, et bien sûr, on a eu Germanwings aussi. Donc, on oui, a l'impression que le suicide de pilote, c'est quelque chose de possible. C'est finalement quelque chose d'assez rare. Bon, mais cela dit, si c'était ce pilote qui a fait ce qu'il a fait, c'est quasiment la seule théorie qui colle avec la version officielle, qui est cette version d'une route hyper sophistiquée avec l'avion qui monte, qui descend, qui évite les espaces aériens, qui remonte dans le détroit de Malacca et puis qui ensuite va s'écraser au milieu de l'océan Indien. Et on m'avait dit, tu remarqueras que les suicides de pilotes sont de plus en plus sophistiqués et peut-être que celui-ci a essayé de faire le suicide le plus exceptionnel qu'aucun pilote n'ait jamais réussi à faire, c'est-à-dire en plus faire disparaître son avion. Je trouvais ça assez fascinant. Je me suis dit, il faut quand même y voir clair parce que c'est quasiment la seule thèse plausible qui colle avec la version officielle. Et au bout du compte. Et alors finalement, ayant rencontré certains membres de sa famille, certains amis de jeunesse et puis des amis plus récents aussi, je suis quasiment convaincue, et je sais qu'avec un être humain on peut toujours se tromper, et que tout le monde peut être retourné, etc. Mais à ce stade, je suis quasiment convaincue que cet homme était quelqu'un de très bien, dans sa peau, dans sa famille, qu'il n'avait pas de problème d'argent, et que c'était en plus un pilote exceptionnel. Donc c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus surprenant de découvrir ça, que ça veut dire qu'on a une situation catastrophique dans un Boeing 777 avec quelqu'un de top niveau qui a passé ses heures de temps libre depuis des dizaines d'années à anticiper toutes les catastrophes possibles. Un vrai pilote, quoi. Oui. Ils sont oui, tous comme ça. Hein. Oui, mais c'est le meilleur, disons. Enfin, bon. C'est parmi les meilleurs. D'accord. Et donc, ça réduit le champ des possibles. Bien sûr. Alors, le pilote, on a bien compris. Il y a eu la piste australienne, hein, 2 jours seulement après le drame. Et les données du satellite Inmarsat, tout le monde ne jure que par lui. On est allé du côté de l'Australie retrouver l'avion. Pourquoi cet entêtement australien? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un petit peu... Enfin, certains trouvent que c'est un peu étrange, la manière dont l'Australie s'est imposée quasiment dans cette affaire. Certes, il y avait quelques passagers australiens, mais contrairement à ce qu'on croit, l'Australie n'avait aucune obligation de se mettre ses recherches, qui finalement coûtent quand même plusieurs dizaines de millions de dollars, sur le dos. Elle en a pris l'initiative. Comme je raconte dans le livre, moi j'étais en Australie au début des... Enfin, dans les années 90 et 2000, et je me souviens d'un certain nombre de polémiques qu'il y avait à chaque fois qu'il fallait aller chercher Isabelle Autissier ou d'autres qui se perdaient dans le Grand Sud, parce que ça coûtait de l'argent de déployer 1 ou 2 avions militaires, etc. Ici, c'est pas 1 ou 2 avions, c'est une flottille. Et disons que ça correspond pas à ce que fait traditionnellement l'Australie dans ce genre de situation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je trouve ça étrange. Ça fait partie donc c'est une piste. Ça fait partie des choses étranges. Et puis surtout, ce qui est très étrange, et là, j'ai eu l'aide de quelqu'un d'assez passionnant, qui est un Français installé aux États-Unis, Paul-Henri Narjolet, qui est un plongeur des mineurs, qui est un des plus grands spécialistes des recherches d'épaves, qui a plongé sur la F-447, sur le Titanic, sur Oustica. Et lui... Il m'a dit, et ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille quand même, il m'a dit, dès que j'ai entendu les premiers commentaires sur ces recherches australiennes, je me suis dit que c'était du grand n'importe quoi. Parce que lui, il connaît les gens qui sont sur ces bateaux, notamment les équipes américaines, qui sont super pros, qui savent ce qu'ils font. Quand ils descendent leur petite machine hyper sophistiquée, ils savent qu'elles ne vont pas répondre à partir de X mètres, etc. Et là, c'était les porte-paroles qui parlaient. Et les porte-paroles qui disaient des choses qui n'avaient pas de crédibilité technique. Donc... On verra peut-être plus tard que la piste, la bonne, nous amènera peut-être en Australie, mais là on n'en est qu'au peut-être, évidemment. Alors, on a parlé aussi de la cargaison des piles au lithium qui aurait pu créer, alors pour le coup, une explosion mécanique, quoi, c'est-à-dire un accident, alors cette piste-là. Alors, effectivement, parce que si on part du principe que cet avion a été empêché d'arriver à Pékin pour une raison X ou Y, X, c'est les passagers et Y, c'est la cargaison. Mmh. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais en explorant ces deux pistes. Et pour ce qui est de la cargaison, il y a deux problèmes évidents. Parce que le cargo manifeste, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la liste de ce qu'il y a dans les soutes, est disponible sur le site MH370. Et il y a d'une part une cargaison qui fait plus de 4 tonnes de matériel électronique qui n'est quasiment pas détaillé, à l'exception de 221 kilos de batterie au lithium. Donc ça, en soi, c'est problématique, mais quid des 4 tonnes et 200 kilos d'autres équipements électroniques. On a à peu près, il y a peut-être 10 feuilles d'informations là-dessus. Par comparaison, il y a 6 kilos qui viennent de Freescale, qui sont des puces électroniques, et là, vous en avez 12 pages. Donc on a une idée de comment une cargaison devrait être documentée, parce qu'il y a un paquet de 6 kilos, on a 12 pages, on sait ce que ça coûte, on sait combien il y a de puces, etc. Et puis il y a 4 tonnes et 200 kilos dont on ne sait quasiment rien. L'autre problème de la cargaison, c'est les mangoustans. Alors les mangoustans, c'est fruits asiatiques absolument délicieux. Donc sur le cargo manifeste, c'est marqué « fresh mangoustine ». Le problème, c'est que là, il y en a de nouveau 4 tonnes. Donc ça occupe presque la moitié des compartiments dans la soute. Les mangoustans ne sont pas de saison au mois de mars, pour commencer. Mmh. Bon, à force de chercher dans des traités d'agriculture, j'ai trouvé qu'il y avait éventuellement une petite demi-saison au mois de décembre. Donc il ne pouvait pas y avoir toutes ces cargaisons d'angoustans. Non, et de toute façon, ils doivent être cueillis avant. Ensuite, la Malaisie n'exporte pas de mangoustans vers la Chine. L'exportateur n'est pas un exportateur de mangoustans. Enfin, la liste est longue. Il n'y avait pas le certificat phytosanitaire. Donc, on peut se dire que ce n'était pas des mangoustans qui étaient là. Mais l'histoire se complique un petit peu quand on se rend compte, ce que j'ai fait en regardant les cargos suivants, des 30 vols Kuala Lumpur-Pékin, où on retrouve à nouveau des mangoustans. Donc ça veut dire qu'il y a un truc très bizarre et très louche avec cette histoire de mangoustans, mais ce n'est pas propre au vol du 8 mars. Bon, enfin, il y a quand même un mystère sur la cargaison. On n'en connaît pas la nature exacte, donc c'est une piste intéressante. Alors on a parlé d'une vingtaine de passagers. Enfin, il y aura en gros 12 Malaisiens et 8 Chinois qui travaillent pour Freescale dans les puces électroniques pour des missiles. Est-ce que ça nous amène à penser qu'il pourrait y avoir une histoire? Pardon, je vais dans le fantasme, peut-être, mais on essaie de prendre tous les éléments de l'enquête. C'est ce que j'ai fait. Donc quelque chose qui serait du ressort de l'espionnage? Alors moi, je trouvais cette piste absolument géniale dès le début, parce que l'idée, c'est que parmi ces 20 personnes, il y aurait eu 4 co-actionnaires d'un brevet hyper sophistiqué, dont on a eu le numéro, qui était effectivement déposé le mardi 11 mars, et que si les 4 actionnaires mouraient, le dernier, c'était Freescale, il récupérait l'ensemble du brevet. Mmh. Donc si c'est quelque chose qui vous permet, qui vous donne le secret de l'invisibilité des objets, par exemple, ou la nouvelle bombe à je sais pas quoi, on peut se dire que peut-être que ça vaut le coup de sacrifier 235 personnes pour les 4 autres. Enfin, c'est épouvantable, mais voilà. Sauf que j'ai regardé de plus près, et le brevet en question, je me le suis fait lire parce que quand même il fait 30 pages et la plupart des gens se sont arrêtés là. Ils ont vu qu'il y avait un brevet déposé par Freescale et ils se sont dit « Ah bah oui, effectivement ». Premièrement, les noms des propriétaires, enfin des inventeurs ne correspondaient pas au nom des passagers. Et puis surtout, le brevet, il portait sur rien de stratégique, il portait sur le nombre de puces que vous pouvez graver sur un wafer. Donc l'enjeu n'était pas là. Mais, j'ajoute, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas innocent d'avoir 20 personnes de cette société hyper stratégique, c'est Thalès à la puissance frisquée là, dans cet avion. Alors, par ailleurs, y a-t-il un contentieux entre la Malaisie et la Chine? Parce que je rappelle que l'avion qui partait de Kuala Lumpur devait arriver à Pékin. Alors j'ai regardé ça, j'ai posé beaucoup de questions là-dessus. Il y a des relations très étroites et très anciennes entre les deux pays. Il n'y a rien qui justifie, a priori, qu'on abatte un avion. Et la Malaysia Airlines est une compagnie au-dessus de tout soupçon? Si on voit son historique. Voyons son historique. Non, justement, je le refais un peu dans le livre parce que ça me semblait important aussi de savoir qui était au cœur de cet accident. Elle avait très très bonne réputation. Elle était classée parmi les meilleures compagnies aériennes jusque évidemment aux deux catastrophes successives puisqu'il y a eu MH17 quelques mois plus tard. Il y a quand même, d'après ce que j'ai compris, des gros soucis au niveau de la gestion des affaires. C'est une société qui a perdu régulièrement 1 million d'euros par jour. Bon, bah, il faut pouvoir se le permettre. Il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement, enfin des achats. Donc, il y a des questions quand même. C'est pas parfait, c'est pas nickel. Et puis, j'ai découvert aussi que, puisque je me suis intéressée au Boeing 777 de la génération de celui qui a servi pour le vol MH370, il y en avait 17 ou 18 qui ont été commandés à l'époque. Mmh. Un peu comme Air France, qui a commandé quasiment les mêmes avions à la même époque. Aujourd'hui, Malaysia Airlines n'en a plus que 6 en service de ces 17. Alors qu'Air France, qui en avait commandé 10 ou 12, a encore les 10 ou 12 en service, ce qui est absolument normal. Oui. C'est pas du tout normal que tous ces B777 de Malaysia Airlines soient scrapped, comme ils disent, c'est-à-dire mis en morceaux, soit dans des hangars. À la réforme, quoi. Ouais. Au bout de trop peu d'années. Évidemment. Exactement. Bien. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, cette piste, Diego Garcia. Alors, je résume, Diego Garcia est une île. C'est une base américaine, militaire, de laquelle probablement il ne faut pas s'approcher. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Bon, l'avion se serait approché de cette base et aurait été torpillé, je ne sais pas comment dire, abattu. Mmh. Ça, à votre sourire, je vois que vous n'y croyez absolument pas. Bah, c'est-à-dire, ce n'est pas que j'y crois pas, c'est qu'il n'y a rien pour soutenir cette thèse. Il y avait un début de preuve. Si on avait effectivement vu cet avion dans le sud des Maldives, comme ça a été dit et cru pendant un certain moment. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai réussi à convaincre le monde de m'envoyer aux Maldives, parce que je voyais bien que cette piste ne s'éteignait pas et que plusieurs journalistes y étaient allés et continuaient d'entretenir le doute. Mmh. Et je me disais, on ne peut pas avoir vu le MH370 à l'aube du 8 mars, volant bas sur les Maldives et en même temps le chercher à 5000 km de là, au large de l'Australie. Donc, je suis allée aux Maldives et j'ai très vite compris que ça ne pouvait pas être MH370. J'y consacre un chapitre, mais en bref, l'heure ne collait pas. On a oublié de tenir compte des 3 heures de décalage horaire et l'avion arrivait de la direction opposée. Bon, donc déjà, l'association Diego Garcia Maldives était extrêmement ténue. Et puis Diego Garcia en tant que tel, si vous voulez attaquer quelque chose, vous attaquez tout sauf une base militaire américaine. Enfin, l'histoire en tant que telle déjà ne tenait pas. Et aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. Oui, bah c'est bien le problème, hein, c'est qu'il n'y a aucune preuve autour de cette affaire, il n'y a que des mystères. Bien, Florence de Changy, on va se retrouver dans 3-4 minutes après avoir écouté Adèle, qui nous casse un peu le moral d'ailleurs avec le titre de sa chanson « When You Were Young ». Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie. Just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. Just like a song. When we react, when we react, when we react, when we react. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young. Florence de Changy, des rebondissements, depuis la catastrophe, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux, si tant est que ce soit des rebondissements. L'été dernier, d'abord, lorsque des débris ont été retrouvés sur les plages de l'île de La Réunion. Alors on va écouter ensemble, on en discutera ensuite, l'avis de Xavier Titelman, il est expert en sécurité aérienne. En fait, hier matin, il y a des journalistes de La Réunion qui m'ont envoyé des photos pour me demander si j'étais capable d'identifier ces images. Donc très rapidement, je les ai partagés avec des spécialistes, avec des pilotes, avec des amis, pour essayer d'identifier à quoi ça pouvait correspondre. On a comparé ça avec des centaines de photos et d'images et de schémas. On a trouvé une seule corrélation qui correspondait au Boeing 777 et plus précisément au flaperon, qui est une partie mobile qui se trouve à l'arrière de l'aile entre les volets de l'avion. On a à la fois les courants marins qui nous ramènent les éventuels débris du large de l'Australie vers la Réunion. On a à la fois la durée d'exposition dans l'eau qui va correspondre à 1 ou 2 ans d'après les coquillages qui ont pu s'accumuler dessus, et on a cette forme qui est très très typique, qui correspond vraiment au Boeing 777. Ces trois éléments nous donnent quand même à penser qu'on est très proche d'avoir trouvé le premier débris du MH370. Alors, Florence de Changy, on a vraiment retrouvé des débris de cet avion-là ou pas ? Je considère que la France a encore pas mal de réponses à apporter sur cette affaire. D'abord, ça s'est passé effectivement au mois de juillet-août, où l'attention... Pardon, pourquoi la France ? Parce que la France est un expert reconnu. Oui, puis parce que c'est tombé en France. Donc c'est la France qui... Oui, la Réunion, voilà. Bien sûr. Et du fait qu'elle avait cette enquête en cours, elle a eu le droit de mettre la main sur... Enfin, elle avait le droit, elle avait tous les droits de mettre la main sur ce débris et de l'analyser. Dès le début, il a un très gros problème, ce débris. Il a perdu sa plaque d'immatriculation. Okay. C'est gênant, sa carte d'identité. Quoi. Voilà. C'est une plaque qui est riftée, comme sur un châssis de voiture. Dans certains cas, collée, avec une colle qui est censée résister à des amplitudes de température, d'altitude, de pression qu'on imagine. Qui peut m'expliquer comment ce flaperon a perdu sa plaque d'immatriculation après un bain de mer dans l'océan Indien de 16 mois ? Premier très gros problème. Deuxième problème, les travaux de maintenance que Malaysia Airlines avait indiqués, parce qu'ils ont transféré leur cahier, apparemment ne correspondaient pas précisément aux travaux constatés sur ce flaperon qui a quand même, 12 ans depuis qu'il a été livré. Bon, c'était comme ça. Ensuite, ils ont dit, enfin ça c'est des informations que j'ai eues par le briefing qui était fait aux familles. Ensuite, on a voulu se référer aux sous-composants, Et là, de nouveau, on a envoyé 12 numéros aux fabricants espagnols. Et on a su soudain, au mois de septembre, le juge a déclaré que un de ces 12 numéros, mais en fait il a dit 1 sur 3 parce que 1 sur 12 ça paraissait extrêmement ténu, on nous a affirmé que 1 sur 3 correspondait. Moi j'ai vu le document, le seul document où il y a un numéro qui correspond, qui aurait été livré au Flaperon, qui aurait été monté sur le Boeing, il y a plus de 10 ans, est écrit à la main. Donc je trouve tout ça extrêmement ténu et je ne comprends pas que la France n'ait pas été beaucoup plus transparente sur ce Flaperon. Qu'on en connaisse, on n'en connaît même pas les spécificités. On ne sait même pas s'il flotte. Alors vous avez remarqué que personne n'est transparent. Les Australiens, on ne sait pas. Exactement. La France n'est pas transparente. Il y a un truc. Bon, dernière chose. Ce Alan Gibson, un blogueur, bon, que ce soit blogueur ou pas d'ailleurs, on s'en fiche. Il est présenté comme ça. Qui a retrouvé il y a quelques semaines des débris qui semblent appartenir à l'avion. Alors cette fois au Mozambique. Cette piste est-elle plus crédible que la première? Pas plus? Ah, beaucoup, beaucoup moins. Là, c'est carrément, on est dans le... N'importe quoi. On est dans le grand n'importe quoi. Il faut savoir que cet avocat américain se passionne depuis 2 ans pour la recherche du MH370, comme il s'est passionné pour l'Arche perdue avant. Il a un budget illimité. Quand il va en Australie, il est reçu par le vice-premier ministre et puis par un professeur qui lui dit « Si j'étais toi, j'irais chercher au Mozambique ». Dans la foulée, il part au Mozambique, mais il est déjà allé en Himalaya, il est déjà allé aux Maldives, il est déjà allé à La Réunion. Au Mozambique, il loue un bateau et une semaine avant le second anniversaire, qu'est-ce qu'il trouve sur un banc de sable du Mozambique? Un morceau de Boeing 777 qui est quand même immédiatement confirmé comme une pièce de Boeing 777 par un officiel américain anonyme à la Société de Presse et dans la foulée, confirmé comme hautement probable une pièce de MH370 par le ministre des Transports malaisien, lequel avait confondu une base de machine à coudre avec un hublot de MH370, 8 mois auparavant. Donc la crédibilité de cette affaire, elle est juste comique. Bon, en tout cas, Florence de Changy, merci pour ce travail. C'est un vrai travail d'enquête qui ne donne pas de réponse là où il n'y a pas de réponse à donner. C'est pas fini, oui. Et parce que ce n'est pas fini, mais quand même, est-ce que vous avez, comme on dit en justice, une intime conviction, vous? C'est ce que tout le monde me demande. Moi, j'aimerais bien c'est ce normal, soit. Hein, oui. Moi, j'aimerais bien que ce soit le lecteur qui ait une intime conviction à la fin du livre, parce que c'est facile. Hein, vous en sortez facilement. Enfin bon, allez-y. Oui, oui, oui. Non, parce que j'ai essayé de donner les preuves et les indices plutôt que de donner le récit fini. Mais j'arrive quand même au terme, à ce point de l'enquête, à un scénario que j'aime assez bien, qui se base sur l'acronyme militaire américain qui est le KISS scénario. KISS, ça veut dire Keep It Simple Stupid. Donc, raisonnons basique. Ouais. Je trouve ça assez amusant. Toute cette histoire est tellement alambiquée, tellement cousue de fil blanc, tellement... Enfin, moi, je n'y vois aucun sens à la version officielle. Je dis, raisonnons basique. Et basique, c'est un amiral malaisien qui m'avait dit, vous savez Florence, pour qu'un avion disparaisse des radars, c'est pas compliqué, il explose. Un bateau, il coule, un avion, il explose. Et donc, j'ai regardé de plus près le KISS scénario du Simple Stupid et j'ai vu qu'il y avait finalement beaucoup d'indices qui pourraient permettre de penser que l'avion, il a eu un problème immédiatement sur place. Et ça, c'est la piste que j'aimerais explorer davantage. Problème technique, il explose, voilà. Technique ou... Enfin, c'est pas technique qui explose. En tout cas, il explose. Il y a quelque chose qui se passe de très très grave. Il explose, ça, on ne sait pas. Non. Encore une fois, merci. Et j'encourage nos auditeurs à lire votre livre passionnant. Le vol MH370 n'a pas disparu de Florence de Changy. Merci infiniment. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la disparition du vol de la Malaysia Airlines, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la profanation du cimetière juif à Carpentras.